joie, tournais un ami, m'a conduit misérable en haut d'une colline, m'a réclamé mon billet, j'en avais des quantités, mais ça ne convenait guère, je vais être obligé, obligé de vous infliger. Répète le contrôleur, je vais être obligé, obligé de vous infliger. Répète le contrôleur. Je vais être obligé, obligé de vous infliger. Répétez le contrôleur. Je vais être obligé, obligé de vous infliger. Répétez le contrôleur.